Il y a bien longtemps, ton père, Mila, ton père déjà grand dirigeant de Wish City et du monde des Bifwish, cachait à son peuple la découverte du nouveau monde. Seuls quelques creuseurs mis en quarantaine et les membres du gouvernement avaient connaissance du monde de la forêt. Éole n'était pas encore la grande cité de la forêt. C'était juste un lieu de paix et de tranquillité où quelques animaux se retrouvaient durant leur grand périple dans la forêt. Nous ne pouvons pas les envahir comme cela, grand dirigeant. Ils ne nous ont rien fait. Allons donc, Père Sévère. Ce ne sont que des animaux, de stupides animaux. Que peuvent-ils donc contre notre grandeur, notre intelligence? Ne les sous-estimez pas, ce serait une erreur. Leur mode de vie est certes différent, mais ils ne nous sont pas pour autant inférieurs. Parle autant que tu veux, mon vieux. Je m'en contrefous comme de la dernière pierre. Je suis le grand dirigeant de Wish City, Père Sévère. Et j'enverrai des creuseurs pour préparer les chantiers. Et ensuite viendra les bâtisseurs qui bâtiront les plus grands édifices jamais construits. Et les Bifwish seront grands. Oui, Père Sévère, un nouveau monde est là pour nous. Mais bâtir un royaume sur l'orgueil le rend si fragile. Et ça, Mila, ton père le comprit à ses dépens. Des géants. Que s'est-il passé? Mais que s'est-il donc passé? Nous avions gravi le grand trou, nous étions partis pour inspecter nos nouveaux chantiers dans le nouveau monde. Et ce que nous trouvâmes... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Une centaine d'animaux apparaissaient ici et là parmi les branches des feuillages. Toutes les machines des creuseurs avaient disparu et les creuseurs avaient... Ils sont venus! Ils ont pris... Mais qui? Aidez-nous! Je vous en prie, mon fils a été enlevé. Une femelle écureuil s'était agenouillée devant ton père, Mila, l'implorant. Les hommes! Ils ont enlevé vos amis et tant d'animaux pour les amener là-bas, dans leur grande maison. Quoi? Des hommes? Aidez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-les. Vous avez les machines. Nous n'avons rien. Aidez-nous. Je savais bien que ça allait nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Nous partons. Et le trou fut bouché. La vérité, Mila, c'est que ton père avait peur des hommes. Nul ne les avait jamais vus. Nous sommes partis du nouveau monde, laissant Éole, les animaux, et 253 des nôtres venus creuser. Voilà pourquoi ton père n'a jamais parlé du nouveau monde et a tout de suite nié son existence lorsqu'un nouveau grand trou fut creusé dans la galerie Est. Il n'existe rien d'autre à part les Bifwish. Pourtant, comme nous, curieux et complexe, généreux comme avare, cruel comme pacifique, il y avait les humains. Et leur soif de savoir ne souffrait d'aucune question. Car dans tous les animaux et les Bifwish enlevés par les hommes, il y avait... Ratis. Je ne dirai rien, tu le sais, je ne dirai rien. Toi, Emma, tu te dresses contre moi, mais tu ne réfléchis pas aux conséquences. Je ne parlerai pas. Ratis roulait des épaules, son œil rouge flamboyant dans la semi-obscurité. J'ai reculé d'un pas, dehors les rats s'agitaient. Le laboratoire des humains était si immense. Je me suis retrouvé dos à l'un de leurs pieds de table gigantesques. J'ai commencé à le contourner tout en gardant un œil sur Ratis. Tu veux t'enfuir, Squeak? Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes tu choses. Tu penses pouvoir quitter ce lieu aussi facilement? Plus de 1000 rats modifiés par les humains sont autour de ce laboratoire. Je ne veux pas grand-chose, Squeak. Juste rentrer dans Éole, prendre le grand trou et arriver à Wish City. Là-bas, je me débrouillerai, tu sais. Je suis assez intelligent pour ça. J'ai reculé jusque dans l'obscurité la plus totale. Je ne voyais plus grand-chose de ce qui m'entourait. J'ai commencé à grimper le pied d'une table. Où es-tu parti, Squeak? On n'échappe pas à Ratis comme cela. Tu veux la liberté, Ratis, ou te venger des hommes? Laisse les Bifewish, laisse les animaux d'Eon, ils ne t'aideront en rien. Qu'en sais-tu? Je grimpais lentement mais sûrement. Pour arriver où? Aucune idée. La seule chose que je voulais, m'éloigner le plus de Ratis. Sais-tu au moins ce qui se trouve ici, Squeak? Sais-tu combien de douleurs, de souffrances? Ce n'est pas une raison pour tuer les miens, nous ne sommes pas responsables! De ce que je suis, c'est... J'arrivais en haut de la table. Devant moi, juste devant moi, des grands bocaux alignés, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais à l'intérieur de ces bocaux, nageant dans une sorte de liquide blanchâtre, il y avait... Je ne serais rien sans toi! Je ne serais rien de ce que je suis sans les Bifewish. Ils étaient comme endormis, si calmes, si tranquilles, flottant dans le liquide des Bifewish. Bifewish.